suffocation in some stupid little town. A black killer killing is the accused in Halloween Town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants everyone. Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 135e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, la tribu, je suis ravi de vous retrouver. Désolé, ces 15 derniers jours, j'avais pas mal d'autres choses à régler. Mais c'est pas grave, on reprend le cours normal. Je m'excuse auprès des radios d'avoir pris du retard, mais c'est pas grave. On commencera tout de suite cette émission avec Hong Kong Money du Dr. Feelgood. C'est sur l'album Let It Roll, sorti le 6 octobre 2008. On retrouve Feels Good, Bend Your Hair et Pretty Face, un classique du rock. On écoutera ensuite Feed the Devil, le nouveau Avesbyes, pardon. C'est sur leur EP 6 titres Holy Waters, sorti en 2016. On retrouve King of the Wind, Lady Bonebreaker et le Feed the Devil, Fly Together, Ultra Violence et Party Never End. On les retrouve sur Facebook, YouTube et ils font pas mal de concerts actuellement. On écoutera ensuite Cannibal de Arnaud Futur. C'est aussi le titre de son premier album solo sorti le 21 octobre 2016. On retrouve Un Samedi Soir, Black Spider, Garage Band. On le retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Take Head de Johnny Clark. C'est sur l'album Very Best, ce 25 Massive Hits sorti en 2006. On retrouve Move Out of Babylon, King of the Arena et Ride On Girl. Et on finira ce bloc en live avec I Can Dance de Genesis. C'est sur l'album We Can Dance, de leur 14e album sorti le 28 octobre 1991. Et ouais, ça ne nous rajeunit pas. On retrouve No Son of Mine, Tell Me Why et Way of the World, un classique. That's ever been told, that's right. You can follow me, but you're gonna have to pay. Heaven's at the end of this alleyway tonight. My Hong Kong money, let that dollar roll. All you need is the cash. The rest ain't nothing but trash. My Hong Kong money soothes my soul. I guess I couldn't make it. Lord only knows it's hard on the opium run. I didn't really wanna hang around too long. Just wasn't my dish of egg foo young. No fun. Hong Kong money, let the dollar roll. Let it roll, let it roll, let it roll. Just as long as you make with the green, you'll be cool if you know what I mean. Oh. 500 millions d'amis, ça me permet enfin d'évacuer tout le stress de la journée. J'ai mangé mon directeur, Jean-Pierre ne me traitera plus de voleur. J'ai épluché Linda, sa secrétaire, c'était tendre, c'était doux, sous mes mollets. Oui, je veux être un bienfaiteur, extraire le mal et la douleur. À coups de hache et de cutter, je suis un coin de paradis. Le sauveur des plus démunis. Je suis un coin de paradis. En finir avec la douleur. Ça nous a évité à tous un clash. J'ai mangé aussi mon petit chèque d'or. Depuis plus personne, il ne mord. J'ai mangé mon collaborateur. Il n'arrivait jamais, jamais à l'heure. Maintenant il nage en plein bonheur, accompagné de jolies pommes à peur. L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. You will die. Baby, don't Yeah. Rest up, all right. The perfect face. Vous êtes toujours dans la 135e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Hong Kong Money de Dr. Feelgood, Feet the Devil, le nouveau F's Bite, Cannibal de Arnaud Futur. On a eu ensuite Take It en vinyle de Johnny Clark et on a fini ce bloc en live avec I Can Dance de Genesis. On continuera cette émission avec une nouveauté, Blood and Tears, le nouveau Anso M. C'est sur leur EP Au cœur du système, 5 titres, sorti le 19 mars 2018. On retrouve Blood and Tears, Time to Fight, Screw You et Zero Degree. On les retrouve sur Facebook, YouTube. D'ailleurs, le clip Blood and Tears est visible sur YouTube. On les retrouve aussi sur Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Crushed World, le nouveau Free Hauling. C'est sur l'album Piece of Hate, leur premier album qui vient de sortir. On retrouve Deathline, Extremist Terrorist et La Ligue des Justiciers. Ils sont chez Eddie Promotion, on les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite The Exit de Dennis Brown. C'est sur l'album Tracks for Life sorti en 1998. On retrouve Tribulation, History et Love Ja, un classique du reggae. Puisqu'on est dans le classique, on va sombrer dans le côté obscur. On écoutera ensuite Come On Now de The Kinks. C'est sur l'album Kinda Kinda, leur deuxième album. Sorti le 5 mars 1965. On retrouve Look For Me Baby, Don't Ever Change et Something Better Beginning, du son culte. Et on finira ce bloc en live avec Doris So Good de Rammstein. C'est sur le Volker Ball, sorti le 17 novembre 2006. On retrouve Razor, Benzine et Stripped, super cover de Depeche Mode. Hâte qu'ils sortent un album. Apparemment ils sont en studio, hein. Il y a des bruits qui courent. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Steigt dir nach, du los, siehst du nicht die Brücke brennt? Hör auf zu schreien und wehr dich nicht, weil sie uns auseinanderbricht. Vous êtes toujours dans la 135e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Blood and Tears, le nouveau Anso M, Crushed World, le nouveau et même l'exclusivité de Freewheeling. On a ensuite The Exit de Dennis Brown. On a eu ensuite Command Now de The Kings et on a fini en live avec The Rich So Good de Rammstein. On continuera avec une nouveauté, De Profundis de Ultra Razia. C'est sur l'album Ultra Razia qui est sorti le 31 août 2018. On retrouve Les Incompris, Dans la gueule du loup, tout va sauter. Ils sont québécois, on les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite The Trek, le nouveau Primus. C'est sur l'album de Desaturing 7, sur leur 9e album sorti le 29 septembre 2017. On retrouve The Valley, The Seven et The Dream. Ils n'avaient pas fait d'album depuis 2011. On continuera avec une autre nouveauté, Hatchiton de Scapé, c'est sur leur nouvel album Game Over, sorti le 5 octobre 2018. On retrouve Eurotrama, La Fabrica et El Buffon. On les retrouve sur Facebook, YouTube, d'ailleurs le clip Hatchiton est sur YouTube et sur toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Turn Me On de Accept, c'est sur l'album Balls to the Wall, ils n'arrivent jamais à le dire, sorti le 5 décembre 1983. On retrouve London Laser Boys, Fight It Back et Losers and Winners. Et on finira ce bloc en live avec Loving Cup de UFO, c'est sur l'album Live sorti en 1972. On retrouve What Do You Love, Boogie for George et Follow Your Home du heavy metal Kill. Yeah. the excursion begins in reverie. But the miles compile a sense of disparity, and the day becomes perilously long. Best way to go when the end. Of the glory that awaits all of us. callad. Achitón cordero. Callad. Achitón con represión. Vuelan las bandadas de cuervos del gran dictador. Achitón cordero. Achitón con represión. Achitón hasta que muera tu voz. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. We'll be right back. Vous êtes toujours dans la 135e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter De Profundis, le nouveau Ultra Razia. J'ai oublié de dire, c'est du son cassette. Enfin, cassette. On a eu ensuite The Trek, le nouveau Primus. On a eu ensuite Hachiton, le nouveau Scapé. Et on a eu ensuite le grand classique Turn Me On de Accept. Et on a fini ce bloc en live avec Loving Cup de UFO. On continuera cette émission avec Hospitality, le nouveau Foxhall. C'est sur leur premier EP, 7 titres, Glitters and Napalm. On retrouve Epitaph and Caesarine, Nowhere City Home et Love Kills. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. Ils sont de chez moi et à découvrir en urgence. On écoutera ensuite une nouveauté et même une exclusivité, c'est Petit Soldat. C'est une démo de Tofi sortie en 2018. On le retrouve sur Facebook, SoundCloud, Bandcamp et YouTube. Et c'est pareil, c'est un petit gars de chez moi. On écoutera ensuite La Bouchère de Hanovre, le nouveau Bad Trip. C'est sur l'album Les Contes de la Trip, sorti le 31 octobre 2017. On retrouve Fuck Me Freddy, Car Nous Sommes Nombreux et Gretel. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube. D'ailleurs, le clip La Bouchère de Hanovre est visible sur YouTube. Et ils sont aussi sur toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre exclusivité, This Is Your Reality, c'est une nouveauté et c'est Saint Madness, c'est sur l'album Bloodlust Cascades, leur 11e album sorti le 16 mars 2018. On retrouve Day of the Dead, The Arrogance of Men et Bloodlust. Ils sont américains, de l'Arizona exactement, et ils m'ont envoyé leur CD juste parce que le nom de l'émission leur plaisait. C'est pas énorme ça. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Sea East in Vague de Die Fantastischen Vier. C'est sur le live Heimspiel sorti en 2009. On retrouve Troy, Fornica et Tag Am Air. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp, enfin partout. Ils sont partout, les Die Fantastischen Vier. D'ouvrir la fameuse lettre et il ne peut pas le croire. Le temps s'est arrêté devant ces lignes qui changent l'histoire. Sa femme et ses gosses pleurent aigreur, c'est le temps des au revoir. Les obusifs, il doit partir défendre son territoire. La guerre est son poison, les nerfs le tiennent en fonction. Se faire sauter le caisson, les frères en crevaison. Le sang coule à foison, l'étranger ruisselleront. Les déserteurs en prison, nazis en ébullition. En route pour le front, il écrit déjà ses lettres d'adieu. Le champ de bataille est en approche et il implore les dieux. Le chant de rafale sonne comme dans un requiem mélodieux. Le sang coagule dans ses flaques issues d'actes odieux. Il est en première ligne, son régiment est pris pour cible. Un peu d'amphétamine pour se sentir invincible. Ses frères font grise mine dans une boucherie indescriptible. Il tire sur ses ennemis en implorant la Bible. Il tire sur des soldats comme lui qui ont reçu le courrier. Tous ces messieurs, tout le monde transformé en petits guerriers. Il sait qu'il brise des familles, pourra-t-il encore continuer? Comment défendre la patrie sans être un meurtrier? Petit soldat sent bien au fond qu'il ne reviendra pas. En première ligne, la faucheuse rôdait avance à grands pas. Les corps s'entassent dans les mares de sang qui ne désemplissent pas. Plus qu'une balle dans le baril et mettre un terme à tout ça. Petit soldat sent bien au fond qu'il ne reviendra pas. En première ligne, la faucheuse rôdait avance à grands pas. Les corps s'entassent dans les mares de sang qui ne désemplissent pas. Plus qu'une balle dans le baril et mettre un terme à tout ça. Ces familles déportées, toutes ces femmes violées. Cette haine de l'étranger, la haine dans les tranchées. Les cerveaux sont débranchés, la dignité entachée. Ces enfants assassinés, la haine récupérée. Petit soldat n'est pas mort, il commence à s'habituer. Son état d'esprit s'est changé en animosité. Il commence à tirer sur des hommes qui ne sont pas armés. Prêt à déserter dans l'obscurité, il a sombré. Ça y est, petit soldat est maintenant plongé dans le noir. Ce soir, son régiment a laissé place à l'abattoir. Il se cache sous les cadavres de ses frères de crématoire. Une balle dans le baril est pour stopper son histoire. La guerre est son poison, les nerfs le tiennent en fonction. Se faire sauter le caisson, les frères en crevaison. Le sang coule à foison, les tranchées ruisselleront. Les déserteurs en prison, nazis en ébullition. C'en est trop pour petit soldat, ce soir il va dire adieu. L'amour qu'il avait en lui n'est plus qu'un souvenir adieu. Son bunker est pris d'assaut, il va rejoindre ses aïeux. Au mieux, un doigt sur la gâchette pour sonner la fin du jeu. Petit soldat sent bien au fond qu'il ne reviendra pas. En première ligne, la faucheuse rôdait avance à grands pas. Les corps s'entassent dans les mares de sang qui ne désemplissent pas. Plus qu'une balle dans le baril et mettre un terme à tout ça. Petit soldat sent bien au fond qu'il ne reviendra pas. En première ligne, la faucheuse rôdait avance à grands pas. Les corps s'entassent dans les mares de sang qui ne désemplissent pas. Plus qu'une balle dans le baril et mettre un terme à tout ça. Sur les quais de la guerre, la cigarette au bec. Madame Armand démembre le petit mot qui défait. Puis prépare ses paquets pour sa chère clientèle. La bonne viande se fera au ce début de siècle. Sur les quais de la gare, t'attendras la bouchère, celle qui sent les gars. Sur ce que Madame Armand fait de plus monstrueux. Pour des tripes de sale gosse, pensez se faire complice. Famine oblige qu'on se le dise, ça reste pas un vrai délice. Sur les quais de la gare, t'attendras la bouchère, celle qui sent les gars. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Let's get evil all up in here. There's a foul stench in the air. The people live like they don't ever care. The battle's coming to your shore while you're busy being self-righteous whores. The blood will splash your door. Evil demands more and more. Fallen angels feast on your soul from the fires of the unknown. Supposed to full of pride, like little children you will cry as you watch all that you love die. Death has come cause it's your time. The screaming will never cease. This is your reality. Your bleeding will not be heard. I'll destroy it across the earth. This all has been foretold, told to you long ago. You didn't think it was your fate. That was your mistake. This all has been foretold, told to you long ago. You didn't think it was your fate. That was your mistake. All are filled with iniquity. Souls in bondage won't be free. This slaughter was your own choice. Terrorizing a demon joy. In the fire you will go. As you hear the trumpet blow. Your selfish way spit in the face of the creator of the human race. Worse than you could have ever conceived. Fire and brimstone to your knees. Nothing you do will set you free. Watch now as your whole world bleeds. Gnawing on your putrid flesh to make out of the dead. Hell is waiting for this day to put mankind in the fiery grave. This all has been foretold, told to you long ago. You didn't think it was your fate. That was your mistake. This all has been foretold, told to you long ago. You didn't think it was your fate. That was your mistake. Yeah. stench in the air. The people live like they don't ever care. The battle's coming to your shore, while you're busy being suffragist whores. The blood will splash your door. Evil demands more and more. Fallen angels feast on your soul from the fires of the unknown. To hold door full of pride, like little children you will cry as you watch all that you love die. Death has come cause it's your time. The screaming will never cease. This is your reality. Your bleeding will not be heard. I'll destroy them across the earth. This is all that's been foretold. Told to you long ago. You didn't think it was your fate. That was your mistake. This is all that's been foretold. Told to you long ago. You didn't think it was your fate. That was your mistake. Oh, ah, oh. Ra, oh, ra, oh, ra, oh! Go, go, go, go, go, yeah, yeah, cheer, cheer, cheer! Stuttgart! It's Mishy back, yeah. Heute ist wieder einer der verdammten Tage, die ich kaum ertrage. Wo mich ständig selber frage, warum ich all diese Gefühle plage, die ich nicht kannte. Oder nur vom Hören sagen, denn bisher rannte ich durch meine Welt und war der König. Alles, was mir gefällt, ist mir jetzt zu wenig. Alles, was ich kickte, von dem ich nie genug kriegte, lass ich lieber sein, denn ich fühle mich allein. Du fühlst dich nicht nur allein, Mann, du bist es. Drum lass das Gejammer sein, denn so ist es. Nun mal auf dieser Welt, auch wenn's dir nicht gefällt, schaust du deinen eigenen Film und bist dein eigener Held. Ja, Mann, irgendwie hast du ja recht und trotzdem geht's mir schlecht. Echt beschissen, denn ich möchte mal wissen, welcher Film auf dieser Welt ein Oscar erhält, den die weibliche Hauptrolle fehlt. Sie ist weg und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg. Davor war schöner allein zu sein, jetzt ist sie weg und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg. Yeah. Ich raff es nicht ab, was ist daran schlimm, dass ich jetzt nicht mehr der Man für sie bin. Da sitz ich und kack mich zu und beginn zu denken, dass ich keine andere film. Die eine ist weg, na und? Wenn sie für dich nicht nur Mittel zum Zweck und Grund, sich hinter ihr zu verstecken, andere abzuchecken, war tabu. Wie gesagt, das ist krass, dass ich dachte, ich verpasse was, wenn ich die Finger von den anderen lass. Was ich machte, denn ich dachte, diesen Spaß gibst du dir, wenn du die eine nicht mehr hast. Und jetzt? Was? Jetzt ist sie weg und ich versteck mich kläglich. Ich hab keine Lust auf andere, also leck mich. Sie ist weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg. Davor war schöner, allein zu sein. Jetzt ist sie weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg. Stucki Bucki Benz Town. Ich weiß, ihr kennt die dritte Strophe. Ihr kennt sie doch. Ich erinnere mich, wir waren beide verdammt cool. Doch innerlich raffte ich Spinner, ich null. Denn wann immer ich dachte, ich tu alles für sie, war was immer ich machte für mich irgendwie. Mit dieser Philosophie fuhr ich ein Mann frei, rein frei, sorgenfrei, an ihr vorbei. Schätze bin ein bisschen hochgeflogen, so ungelogen, ungelogen. Und hab sie dabei mit mir selbst betrogen. Kluge Worte, was? Hinterher weiß man immer mehr. Doch so sehe ich mich auch dagegen wehr. Platte schwer, aber wahr, ich bin leer, denn sie ist nicht da. Ja, ja. Ich sag's euch, sie ist weg und hat mich mitgenommen. Mitgenommen, mitgenommen. Jetzt ist sie weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg. Davor war schöner, allein zu sein. Jetzt ist sie weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg. Oh yeah, Sugar City. So sieht's aus. Sie ist weg. Wo mag sie wohl hingegangen sein? Weg, weg, weg. Aber dafür seid ja ihr da. Und du vor allem. Ah, qu'est-ce que je les aime, moi, les Lady Fantastician Vir. Vous êtes toujours dans la 135e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Hospitality, le nouveau Foxhole, Petit Soldat, la nouveauté et même l'exclusivité de Toffy, La Boussière d'Hanovre, le nouveau Bad Trip, This Is Your Reality, la nouveauté et même l'exclusivité de Saint Madness, merci à eux quand même, parce que... Et on a fini avec Sea Is Vague de The Fantastician Vir. On continuera cette émission avec Children of the Sun, le nouveau Judas Priest, c'est sur l'album Firepower, leur 18e album sorti le 9 mars 2018. On retrouve Lightning Strike, Spectre et Rising from Ruins. Ça fait un moment qu'ils sont dans le game maintenant, ça fait un bon moment qu'ils sont là. On écoutera ensuite Long Time de Phyllis Dillon, c'est sur l'album Selected Hits, sorti le 12 juin 2006. On retrouve Woman of the Ghetto, Picture of the Wall et One Life to Live. C'est une des fondatrices du reggae dans les années 60 et malheureusement il ne reste pas grand chose comme trace et c'est bien dommage. On écoutera ensuite Lorraine, le nouveau Le Gars d'en Face, c'est sur l'album Le Gars d'en Face, sorti le 2 avril 2018, leur premier album. On retrouve Réseau Wi-Fi, le compte service, les bonnes résolutions, on les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On écoutera ensuite Half Me Get de Euros. Uroy, pardon, c'est sur l'album Serious Matter, une compile de 2000. On retrouve Moni, Wenja Combs et Night Nurse avec Grégory Isaac. Et Wenja Combs, c'est avec Israel Vibration. Et on finira ce bloc en live et en reggae, on a envie de reggae, avec Reggae With You de Alton Ellis, c'est sur l'album Still In Love. Sorti en 1977, on retrouve Breaking Up, Play It Cool, and I Am Still In Love. Donc du coup, cette semaine, on a cela fini à la cool et un peu de douceur dans ce monde de brut. Hey! Chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Elle vivait Lorraine dans une maison de la mine, quelque part en Lorraine à côté de Sarreguemines. C'était un bon squat, je me rappelle que des fois on y ramenait nos grattes, on y jouait sur le toit. Quand on était bourré et on pogotait, il y avait les verruriers et les garçons bouchés. Lorraine, Lorraine, les meilleurs concertos, on foutra le bordel, je te paierai l'apéro. Lorraine, Lorraine, les meilleurs concertos, on foutra le bordel, je te paierai l'apéro. Y'avait pas de chauffage, juste un poêle à bois, on buvait du schnabo, on n'avait jamais froid. Y'avait des voisins qui étaient très discrets, ils étaient vraiment bien, ils ont déménagé. On faisait trop de bruit, on leur volait du bois, sous le capot de leur Audi, on venait faire caca. Lorraine, Lorraine, les meilleurs concertos, on foutra le bordel, je te paierai l'apéro. Lorraine, Lorraine, les meilleurs concertos, on foutra le bordel, je te paierai l'apéro. Mais un jour on a eu la visite des Condés, ça leur a pas trop plu qu'on se mette à protester. Ils nous ont balancé des bombes lacrymogènes, puis nous ont menottés comme le GIGN. Maintenant chez Lorraine, c'est très surveillé, le moindre événement est photographié. Lorraine, Lorraine, les meilleurs concertos, on foutra le bordel, je te say to steal from your brethren is bitter to your belly. But to love your brethren and sister is sweet to your soul. Give you what to do this day. Hey, so tell me what about the half Babylon you have a say, but don't give it to why. So tell I what about the half of Babylon you to have a low one, let it off now. Since I man was a youth, I've been hearing about this half. Look how long it's been kept a big secret. But you got to reveal it. Look how long it's been a hidden away. Hide it away from my and I. We want to read it. The half that has never been told. And we just got to know. The half that has never been told. I and I want to read it all. What will hidden from the wise and prudent? It will reveal to the babies and the struggling. And now the little kids wanna know about that half. I may say Babylon, you know we not laugh. You better let it off. Hear me the half. Hey, so mister, what about the half Babylon? I said I never been told. Wow. See, you what about the half? Cause I would tell you. What about the that half? Never been told. Reach out and touch your soul. Cause I will never love to be as smart as a flea in the oppressor's collar. When the people realize that they be trick. So Babylon, oh, give me the love. I want it right now. What about the half that has never been told? That we want to know. What about the half, yeah, that has never been told? No isms, kissing. Look how long it's been kept a big secret. What they got to reveal it. Look how long got to reveal the secret from me. Give me that the half. Some are saying that you've never been told. And what we know, so give me that the half of Babylon. What must say that never been told. Oh Lord of God, I know when he comes again, it's gonna be revealed. Lightning and thunder to all mankind. Brimstone and fire. The half that has never been told. I said, you know we don't love. The half that has never been told. Some may say when Jah come, some may tell you things is gonna be dreaded. And I'm gonna say to me, so when Jah come, some may say things is gonna be weird. So Babylon, you got to be your that they have. Some may say that has never been told. Give me that day of your say we never been told. The half that has never been told. You know me no more love. The half that has never been told. Hey, look how long it's been kept to be secret. And you got to reveal it. You've been stealing from your brethren and sisters a long time ago. Okay, we continue with the sound of the rock steady, and this one says, one thing that I am begging you. On vient de s'écouter Children of the Sun, le nouveau Judas Priest, Long Time de Phyllis Dillon, Lorraine, le nouveau Le Gars d'en Face. On a eu ensuite Half Me Get de U-Roy et Dennis Brown. Et on a fini ce bloc en live avec Regular Review de Alton Ellis en live.